Mama, enga. Belle et Inat, garçon, forcé. J'y arrive, y est, pour qu'il y a canapé lié. Moi, et pour bien m'arrêter, en que moi, ma côté. Ma belle, ta canne, en que son acate. Au tout à caresser, il t'a qu'à la vie, n'y a pas. Ma belle, n'a pas de bâtir, la canne, beaucoup. Liberté, n'a pas de l'eau, n'a pas de l'eau. Yeah.

Monsieur Franco, production. Boutique sans frontières, chez ma Feli, Switzerland. Baka baka, mon tote, tu gankale, omikale. Pour la foule Qui c'est mon anana. fonkona meka kata tikala na sango. Confiance na tonga na mitongie, kopala nga na tebo lingo susi oyo ngambo. Sango na yoki, miswe moni mote melingite, na pesa kutuba konti ambo kali kambo. Mosala na sala likuta la pesa na papaya. Bale boni a dieta, yoko na ngambo ye kabola biso. Mbuma sukali nganye bondeli yo, amie. Eba, Jean-Marc Mbuta, papa na Loïke. Oye bisa DJ Lubaki, eske na bondeli ye na mbuma ya sukali. Alino kombe, kombe Yeah, yeah, bolinga ni aye. Ngamo nina bala, shina mateta o. Tumesana na ye, ni bala ya la joa. Atake ye, agozo nga kandako. Bambanda nangai, potye mite mateo. Libala na biso, ebi misafui. Benji, Joa Bari Nili Pata, Namoni Bolingo Naye, na komisi komplice, Tina Suizerlande, Signor Scope Nanda, Nalinga Nalula Baser, Namoni Nasuki Naminie, Finanga Etikala, Lisolo Yansambu Mawa, Naluka Naluka Solution, Mpona Kosuki Samabe, Nga Etike Namboka, Mopaya Mawate, Yeleu, Yeleu. Bibi chez ma